À l'infidèle de Claudius Poplin, enregistré pour LibriVox.org. Où sont les ardentes caresses? Où sont les élans d'autrefois? Ces mots, nés des pures ivresses, qui faisaient trembler notre voix. Hélas, avec la feuille morte, avec le grain au loin chassé, et que la brise folle emporte, avec la fleur de l'an passé. Aujourd'hui vous êtes de marbre, il a neigé sur nos amours, et l'on ne trouve plus sur l'arbre un pauvre fruit des anciens jours. Notre belle joie envolée n'aura donc plus de lendemain? La récolte renouvelée ne nous emplira plus la main? Tout est-il englouti sous l'onde? Tout est-il dans le sombre oubli? Tout est-il dans la nuit profonde à tout jamais enseveli? En vain mon âme morfondue à le fixer fait mille efforts. Je sens que c'est peine perdue. On ne réveille pas les morts. Pourquoi me tromper? Pourquoi feindre? Je sens que vous ne m'aimez plus. Le mieux est de ne pas me plaindre et des pleurs seraient superflus. Mais pour soulager ma souffrance, découvrez-moi tout mon malheur. Car éterniser l'espérance, c'est éterniser la douleur. Fin du poème. Enregistré par Ezoa en Belgique en décembre 2012. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'art de parler sans rien dire, à l'usage des étrangers et des jeunes gens qui se destinent au grand monde et qui désirent y briller. Par Maximilien Leroy. Enregistré pour LibriVox.org. On a chanté l'amour, on a chanté la gloire, on a chanté Bacchus, Achille et la victoire. On a chanté les dieux, on a chanté les rois, on a chanté la table, on a chanté les bois. Je chante un nouvel art. Dans mon noble délire, je prétends enseigner à parler sans rien dire. Ô langue, prête-moi tous ces froids à propos, ces insipides riens et ces mauvais bons mots, ces calembours connus, ces lourdes épigrammes, ce langage empoulé tiré des mélodrames, qui, placés avec art, feront sans contredit dans l'être le plus sot, trouver un bel esprit. Étranger, que le goût a seul guidé en France, pour acquérir ce ton, ce jargon, cette aisance, qui, dans tous les pays, distingue le français, et, près de vos beautés, répondent du succès. Écoutez mes conseils, timide adolescence de la société, vous, l'unique espérance. Retenez mes leçons, que toujours mes avis par vous soient approuvés et soient par vous suivis. L'art de bien converser n'est pas ce que l'on pense. Prodiguer de grands mots, c'est la grande science. Si vous apercevez dans le coin d'un salon des gens d'un âge mûr causer avec raison, n'allez pas discuter, mais d'un ton emphatique, mettez sur le tapis nouvelle et politique. Partagez l'univers dans vos vastes desseins, donnez et retirez le sceptre au souverain, et d'un air suffisant, mettez dans la balance les intérêts de telle ou telle autre puissance. Soyez tranchant sur tout, vous serez applaudi, et partout recherché, couru, fêté, chéri. Si l'on vient à parler de la pièce nouvelle, n'allez pas, d'Aristote épousant la querelle, en marquer les défauts, en sentir les beautés, raisonner sur le plan, chercher les unités. N'imitez pas celui dont l'esprit docté sage examine, mûrit, analyse un ouvrage. Que deviendrait mon art? Nommez d'abord l'auteur, effleurez le poème et parlez de l'acteur. Dites, il en est temps, ces vérités connues, et dans tous nos journaux, mille fois rebattues. Talma joue à ravir, Lafon est excellent, Mars peint bien la candeur, Dama a du talent. C'est ainsi qu'élu dans le point que l'on propose, vous parlerez beaucoup et direz peu de choses. Faites des impromptus, composez à loisir, employez l'équivoque et vous ferez plaisir. D'un célèbre marquis, empruntez le langage. Que de Bièvre vous guide en votre bavardage. Il excelle dans l'art d'égayer un discours, pour égayer aussi. Faites des calembours, ces mauvais jeux de mots, transition forcée, auprès des ignorants, triendront lieu de pensée. Ce n'est pas tout encore. Dans un cercle brillant, il faut, pour captiver, placer adroitement quelques vers décousus, lancer des épigrammes, et toujours à propos, parler mode aux dames. Que le fredon en vogue anime seul vos chants, gardez-vous d'oublier la pluie et le beau temps. C'est pour les grands parleurs la source intarissable. Quel plus riche sujet! Il est inépuisable. Mon baromètre est bon. Le mien est excellent. Il indiquait la pluie. Il remontait au vent. Il tombera de l'eau. La chaleur est extrême. L'été sera brûlant. Je le pense de même. Voilà de ces discours qui, semés au hasard, sont pour nos vains causeurs le sublime de l'art. Voyez dans son boudoir la petite maîtresse. Elle n'a rien à dire et babille sans cesse. Parle-t-on de morale? Elle parle chanson. Vous rapporte un beau mot si l'on parle raison. C'est un bourdonnement et dans son verbiage, il est question de tout, excepté de ménage. Voyez dans ce café ces babillards fameux, assis autour du poêle et conversant entre eux. De mots entrecoupés, ils font souvent usage. Oui, mais non, si fait, car, monsieur, plus j'envisage, certes, il se pourrait. Le bruit est général. Quoi? Si, vraiment, ah, c'était sur le journal. Exprimez-vous ainsi, parlez avec emphase, et de ces jolis riens, parsemez chaque phrase. Recherchez avec soin des mots harmonieux, de ces mots bien jetés, l'effet est merveilleux. Si l'on parle à quelqu'un, citez vite un proverbe. À ce que l'on répond, ajoutez un adverbe. Courez les lieux publics, les grands jardins surtout, c'est pour l'observateur l'école du bon goût. Pour avoir de l'aplomb, une grande assurance, visitez quelquefois la petite Provence. Admirez ces vieillards, causant à qui mieux. Ils se chauffent sans frais, parlent et sont heureux. Écoutez ces rentiers, dissertant politique, jugeant les cabinets, condamnant leur tactique. Ils déclarent la guerre, ils demandent la paix. Ils bavardent toujours, ne raisonnent jamais. Examinez ce fat, ne rêvant que toilette. Sa réputation dans le beau monde est faite. Il vous parle chevaux, spectacle, nouveauté. C'est le tableau mouvant de nos futilités. À l'entendre, il subjugue, asservi par ses charmes. La modeste vertu doit lui rendre les armes. De la pudeur, souvent, il outrage les lois. Dans tout ce qu'il vous dit, il faudra faire un choix. Prenez de son jargon le brillant, le frivole, et pour le moindre mot, donnez votre parole. Avec attention, relisez les plaideurs. J'y vois dans l'intime l'élite des parleurs. Ouvrez aussi Molière, imitez Sganarelle. Des grands diseurs de rien, c'est le parfait modèle. Médecin malgré lui, ce docteur ignorant vous offre le patron de plus d'un faux savant. Il veut parler de tout, jamais ne se démonte. Savez-vous le latin? Dit-il au vieux Géronte. Non. Ah. Musa, musée, bonus, bona, bonum, hic, hec, hoc, et enum semper, amodeum. Sachez ainsi que lui, pour briller davantage, d'un très petit savard, faire un grand étalage. Je n'en finirai pas s'il fallait peindre encore ceux dont le vin babile est pour vous un trésor. Il faudrait présenter les pédants, les sophistes, les éternels conteurs, les froids panégyristes, les auteurs de bouquets, les citateurs d'Anna, les ennuyeux plaisants, les sots, etc. De la frivolité, c'est une faible esquisse. J'ai tracé le portrait, qu'un autre le finisse. Fin du poème, enregistré par Herman Hoskams. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les Assis, d'Arthur Rimbaud. Enregistré pour LibriVox.org. Noirs de loupe, grêlés, les yeux cerclés de bagues vertes, leurs doigts boulus crispés à leurs fémurs, le sinciput plaqué de harnosité vague comme les floraisons lépreuses des vieux murs. Ils ont greffé dans des amours épileptiques leurs fantasques ossatures aux grands squelettes noirs de leurs chaises, leurs pieds aux barreaux rachitiques s'entrelacent pour les matins et pour les soirs. Ces vieillards ont toujours fait tresse avec leurs sièges, sentant les soleils vifs percaliser leur peau, ou, les yeux à la vitre où se fanent les neiges, tremblant du tremblement douloureux du crapaud. Et les sièges leur ont des bontés, culottés de brun, la paille cède aux angles de leurs reins, l'âme des vieux soleils s'allume, emmaillotée dans ses tresses d'épis où fermentaient les grains. Et les assis, genoux aux dents, vers pianistes, les 10 doigts sous leurs sièges aux rumeurs de tambour, s'écoutent clapoter des barcaroles tristes et leurs caboches vont dans des roulis d'amour. Oh, ne les faites pas lever, c'est le naufrage. Ils surgissent, grondant comme des chats giflés, ouvrant lentement leurs omoplates. Oh, rage! Tous leurs pantalons bouffent à leurs reins boursouflés. Et vous les écoutez, cognant leurs têtes chauves, aux murs sombres, plaquant et plaquant leurs pieds tors, et leurs boutons d'habits sont des prunelles fauves qui vous accroche l'œil du fond des corridors. Puis ils ont une main invisible qui tue. Au retour, leur regard filtre ce venin noir qui charge l'œil souffrant de la chienne battue, et vous suez, pris dans un atroce entonnoir. Rassis, les poings noyés dans des manchettes sales, ils songent à ceux-là qui les ont fait lever, et, de l'aurore au soir, des grappes d'amygdales, sous leur menton chétif, s'agitent à crever. Quand l'austère sommeil a baissé leur visière, ils rêvent sur leurs bras de sièges fécondés, de vrais petits amours de chaises en lisière par lesquels de fiers bureaux seront bordés. Des fleurs d'encre crachant des pollens en virgule les bercent le long des calices accroupis tels qu'au fil des glaïeuls le vol des libellules et leurs membres s'agacent à des barbres d'épis. Fin du poème. Enregistré pour LibriVox.org. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les bijoux. De Charles Baudelaire. Enregistré pour LibriVox.org. La très chère était nue, et, connaissant mon cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores, dont le riche attirail lui donnait l'air vainqueur qu'ont dans leurs jours heureux les esclaves des morts. Quand il jette en dansant son bruit vif et moqueur, ce monde rayonnant de métal et de pierre me ravit en extase, et j'aime à la fureur les choses où le son se mêle à la lumière. Elle était donc couchée et se laissait aimer. Et du haut du divan, elle souriait d'aise à mon amour profond et doux comme la mer qui vers elle montait comme vers sa falaise. Les yeux fixés sur moi, comme un tigre dompté, d'un air vague et rêveur, elle essayait des poses, et la candeur unie à la lubricité donnait un charme neuf à ses métamorphoses. Et son bras, et sa jambe, et sa cuisse, et ses reins, polis comme de l'huile, onduleux comme un cygne, passait devant mes yeux clairvoyants et sereins, et son ventre et ses seins, ses grappes de ma vigne, s'avançaient plus câlins que les anges du mal, pour troubler le repos où mon âme était mise, et pour la déranger du rocher de cristal où, calme et solitaire, elle s'était assise. Je croyais voir unis par un nouveau dessin les hanches de l'antilope au buste d'un imberbe, tant sa taille faisait ressortir son bassin. Sur ce teint fauve et brun, le phare était superbe. Et la lampe s'étant résignée à mourir, comme le foyer seul illuminait la chambre chaque fois qu'il poussait un flamboyant soupir, il inondait de sang cette peau couleur d'ambre. Fin du poème. Enregistré par Bubble Reader. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le canard et le serpent par Lavial de la Meyère, enregistré pour LibriVox.org. Le canard, fier de sa tournure, un jour rencontra le serpent et lui dit d'un ton insolent: « Il n'est dans toute la nature aucun être qui, mieux que moi, mérite le titre de roi. Car je porte un brillant plumage et seul des animaux, je marche, vole et nage, changeant tous les matins de ciel et d'horizon. Je visite à chaque saison les forêts et les mers lointaines. Ainsi, répondit le serpent, tu te fais de vastes domaines, et si l'on te croyait vraiment, le ciel, la terre et l'eau formeraient ton empire, et tous les animaux te donneraient du cire. La baleine, l'aigle et le lion devraient donc te jurer hommage. Tu marches, tu voles, tu nages, pour te dire parfait l'excellente raison. Tu marches, mais cours-tu comme fait la gazelle? Voles-tu comme l'hirondelle? Peux-tu suivre à travers les eaux la truite ou le saumon rapide? Pour avoir visité des rivages nouveaux, en es-tu plus savant, en es-tu moins stupide? Tu fais un peu de tout, mais ne fais rien de bien. On pourrait aisément appliquer cette fable à plus d'un romancier, poète, historien, qui de parler de tout se juge très capable. J'adresse pour finir cet avis au lecteur, qui le retournera bien sûr à son auteur. Fin du poème enregistré par Yoshka. Cet enregistrement fait partie du domaine public. C'est là s'aimer, de Claudius Poplin, enregistré pour LibriVox.org. S'accorder doucement, toujours, sur chaque chose, quand on est séparé, s'ennuyer à périr. Se couver du regard, et ne pouvoir souffrir quiconque d'aventure entre vous s'interpose. S'imaginer la vie en commun toute rose, d'un bonheur différent ne vouloir s'enquérir. S'approcher, se frôler par hasard, se nourrir d'une chimère unique au fond de l'âme enclose. Avoir à se rejoindre un esprit exercé, n'entendre point le nom de l'autre prononcé, que l'artère ne batte, et plus fort et plus vite. Au même endroit, d'instinct, porter tous deux ses pas, rougir quand on se voit, pâlir quand on se quitte. C'est là, je crois, s'aimer, si je ne rêve pas. Fin du poème, enregistré par Ezoa, en Belgique, en décembre 2012. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le chat de Charles Baudelaire, enregistré pour LibriVox.org. Dans ma cervelle se promène, ainsi qu'en son appartement, un beau chat, fort, doux et charmant. Quand il miaule, on l'entend à peine, tant son timbre est tendre et discret. Mais que sa voix s'apaise ou gronde, elle est toujours riche et profonde. C'est là son charme et son secret. Cette voix qui perle et qui filtre dans mon fond le plus ténébreux me remplit comme un ver nombreux et me réjouit comme un filtre. Elle endort les plus cruels mots et contient toutes les extases. Pour dire les plus longues phrases, elle n'a pas besoin de mots. Non, il n'est pas d'archet qui morde sur mon cœur, parfait instrument, et fasse plus royalement chanter sa plus vibrante corde que ta voix, chat mystérieux. Chat séraphique, chat étrange, en qui tout est, comme un ange, aussi subtil qu'harmonieux. De sa fourrure blonde et brune sort un parfum si doux, qu'un soir j'en fus embaumé, pour l'avoir caressé une fois, rien qu'une. C'est l'esprit familier du lieu. Il juge, il préside, il inspire toutes choses dans son empire. Peut-être est-il fée, est-il Dieu? Quand mes yeux, vers ce chat que j'aime, tirés comme par un aimant, se retournent docilement, et que je regarde en moi-même, je vois avec étonnement le feu de ses prunelles pâles, clairs fanaux, vivantes opales, qui me contemplent fixement. Fin du poème enregistré par Violette. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Cœur broyé de Charles Fusté, enregistré pour LibriVox.org. Quand le cœur est broyé, les flammes éternelles jaillissent, le génie embrase les prunelles, l'amour déçu grandit le beau plus triomphant. On trempe un art viril dans des douleurs d'enfant, et ce sont mes aveux, mes angoisses, mes plaintes qui me vont préparer pour les batailles saintes. Viens donc, art, viens donc, beau, viens donc, espoir du vrai. C'est d'un cœur plus fervent que je vous aimerai, et je veux vous attendre en baisant la poussière comme l'aveugle au pied d'un crucifix de pierre. Les sueurs du remords m'ont tordu dans l'amour. Les heures de la nuit et les heures du jour ont pesamment traîné leur marche désolée. Pour des baisers menteurs, ma paix s'en est allée. Ma fierté l'a suivie, et ma croyance aussi. Toi, l'art, tu viens, et toi, le beau, tu viens. Merci. Prenez-moi dans vos bras comme un enfant malade. En un vibrant appel, changez ce dégoût fade. Arrachez-moi de grâce une forte clameur. Mettez la gloire où fut le rêve qui se meurt. Je veux que de ces cris et de ces insomnies, de l'avenir cruel, des extases bannies, des fautes, des sanglots, de mon malheur enfin, de cette humanité, vous fassiez du divin. Venez, soyez mon lot, le dernier qui me reste, après les yeux fermés de cet amour funeste. Enseignez-moi l'essor des rythmes éclatants. Pour occuper les jours, pour défier le temps, dites-moi ce qu'il faut entreprendre et poursuivre. J'ai vécu par les yeux, je vivrai par le livre. J'ai souffert par le cœur, vienne le pur esprit. On dompte mieux son mal après l'avoir écrit, et je dirai le mien d'une façon sincère pour toucher au sublime à force de misère. Et voilà. Ce sera très triste, j'y consens. À moi donc, vers de flamme et rythme frémissant. Strophe d'or, revêtez la pourpre ensanglantée. À qui n'a plus de joie, une joie est restée. Dire haut sa douleur, la subir vaillamment, faire un noble poème avec chaque tourment, être aimé des petits, être compris des femmes, éveiller un écho dans le peuple des âmes, et s'enivrer de mots cruels, et s'attendrir en immortalisant ce qui vous fait mourir. Fin du poème, enregistré par Ezoie, en Belgique, en mars 2013. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Demain dès l'aube, de Victor Hugo, enregistré pour LibriVox.org. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Fin du poème, enregistré par Britannia. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les esclaves d'amour de André Chénier, enregistré pour LibriVox.org. Les esclaves d'amour ont versé tant de pleurs. S'il a quelque plaisir, il a tant de douleurs. Qu'il garde ses plaisirs. Dans un vallon tranquille, les muses contre lui nous offrent un asile. Les muses, seul objet de mes jeunes désirs, mes uniques amours, mes uniques plaisirs. L'amour n'ose troubler la paix de ce rivage. Leurs modestes regards ont, loin de leur bocage, fait fuir ce dieu cruel, leur légitime effroi. Chaste muse, veillez, veillez toujours sur moi. Non, non, le dieu d'amour n'est point l'effroi des muses. Elles cherchent ses pas, elles aiment ses ruses. Le cœur qui n'aime rien a beau les implorer, leur troupe qui s'enfuit ne veut pas l'inspirer. Qu'un amant les invoque et sa voix les attire. C'est ainsi que toujours elles montent ma lyre. Si je chante les dieux ou les héros, soudain ma langue balbutie et se travaille en vain. Si je chante l'amour, ma chanson d'elle-même s'écoule de ma bouche et vole à ce que j'aime. Fin du poème, enregistré par Violette. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La jeune Tarentine de André Chénier, enregistré pour LibriVox.org. Pleurez, doux Alcyon, ô vous, oiseau sacré, oiseau cher à Tétis, doux Alcyon, pleurez. Elle a vécu, Myrto, la jeune Tarentine. Un vaisseau la portait au bord de Camarine. Là, l'hymen, les chansons, les flûtes, lentement devaient la reconduire au seuil de son amant. Une clé vigilante a, pour cette journée, dans le cèdre enfermé sa robe d'hyménée, et l'or, dont au festin ses bras seraient parés, et pour ses blonds cheveux les parfums préparés. Mais, seul sur la proue, invoquant les étoiles, le vent impétueux qui soufflait dans les voiles l'enveloppe. Étonnée, et loin des matelots, elle crie, elle tombe, elle est au sein des flots. Elle est au sein des flots, la jeune Tarentine, son beau corps a roulé sous la vague marine. Tétis, les yeux en pleurs, dans le creux d'un rocher, au monstre dévorant eut soin de le cacher. Par ses ordres, bientôt, les belles Néréides l'élèvent au-dessus des demeures humides, le portent au rivage, et dans ce monument l'ont au cap du zéphyr déposé mollement. Puis, de loin, à grands cris, appelant leurs compagnes et les nymphes des bois, des sources, des montagnes, toutes, frappant leurs seins et traînant à long deuil, répétèrent « Hélas !» autour de son cercueil. « Hélas, chez ton amant tu n'es point ramenée, tu n'as point revêtu ta robe d'hyménée, l'or autour de tes bras n'a point serré de nœuds, les doux parfums n'ont point coulé sur tes cheveux. » Fin du poème, enregistré par Violette. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. De Louise Labbé. Enregistré pour LibriVox.org. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endurant froid dur. La vie m'est et trop molle et trop dure. J'ai grands ennuis entremêlés de joie. Tout à un coup, je ris et je larmoie. Et en plaisir maint grief tourment j'endure. Mon bien s'en va, et à jamais il dure. Tout en un coup je sèche, et je verdois. Ainsi amour inconstamment me mène, et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser je me trouve hors de peine. Puis quand je crois ma joie être certaine, et être au haut de mon désiré heure, il me remet en mon premier malheur. Fin du poème, enregistré par Nathalie Mussard. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le lac de Lamartine. Enregistré pour LibriVox.org. Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour? Ô lac! L'année à peine a fini sa carrière, et près des flots chéris qu'elle devait revoir, regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir.

et l'on voit osciller dans un fleuve vermeil, aux approches du soir incliné au sommeil, de grands nids teints de pourpre au bout des branches nues. Tombe, astre glorieux, source et flambeau du jour, ta gloire en nappe d'or coule de ta blessure, comme d'un saint puissant tombe un suprême amour. Meurs donc, tu renaîtras, l'espérance en est sûre, mais qui rendra la vie et la flamme et la voix au cœur qui s'est brisé pour la dernière fois. Fin du poème, enregistré par Séverine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Nous n'irons plus, de Louis Marcello, enregistré pour LibriVox.org. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. Car vous vous mariez, fermez toutes les portes et laissez-moi songer aux instants échappés, car nos intimités chuchotantes sont mortes. Car vous adresserez désormais à l'époux la curiosité câlinante et craintive de vos grands yeux bistrés, sauvages et très doux, dont la splendeur attire et la bonté captive. Les notes, sous vos doigts musicaux émergents, ne s'envoleront plus des blancs claviers limpides, et je n'entendrai plus sonner comme l'argent votre trésor perlé de rires intrépides. Plus jamais, la morale austère le défend, par quelque méchant rêve au matin alarmé, vous ne me confierez vos tristesses d'enfant. Oh, mon ami aimante et tout à fait aimé. Vous ne servirez plus le familial thé dans les tasses de Chine à teintes savoureuses. Vous recevrez chez vous, vous serez en beauté, on vous dira « Madame » et vous serez heureuse. Vous ne me tendrez plus la main comme autrefois. Je ne vous aimais pas d'amour pourtant. J'ai honte de sentir qu'une larme au bord de mes yeux monte. Les lauriers sont coupés. Nous n'irons plus au bois. Fin du poème, enregistré par Ezois en Belgique en mars 2013. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Extrait de La Nuit de mai, d'Alfred de Musset. Enregistré pour LibriVox.org. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux. Et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. Lorsque le pélican, lassé d'un long voyage, dans le brouillard du soir retourne à ses roseaux, ses petits affamés courent sur le rivage, en le voyant au loin s'abattre sur les eaux. Déjà, croyant saisir et partager leur proie, ils courent à leur père avec des cris de joie, en secouant leur bec sur leur goître hideux. Lui, gagnant à pas lents une roche élevée, de son aile pendante abritant sa couvée, pêcheur mélancolique y regarde les cieux. Le sang coule à l'enflot de sa poitrine ouverte. En vain, il a des mers fouillées la profondeur. L'océan était vide et la plage déserte. Pour toute nourriture, il apporte son cœur. Sombre et silencieux, étendu sur la pierre, partageant à ses fils ses entrailles de père, dont son amour sublime y berce sa douleur. Et, regardant couler sa sanglante mamelle, sur son festin de mort, il s'affaisse et chancelle. Ivre de volupté, de tendresse et d'horreur, mais parfois, au milieu du divin sacrifice, fatigué de mourir dans un trop long supplice, il craint que ses enfants ne le laissent vivant. Alors il se soulève, ouvre son œil au vent, et, se frappant le cœur avec un cri sauvage, il pousse dans la nuit un si funèbre adieu que les oiseaux des mers désertent le rivage, et que le voyageur attardé sur la plage, sentant passer la mort, se recommande à Dieu. Poète, c'est ainsi que font les grands poètes. Ils laissent égayer ceux qui vivent 20 ans, mais les festins humains qui servent à leur fête ressemblent la plupart à ceux des pélicans. Quand ils parlent ainsi d'espérance trompée, de tristesse et d'oubli, d'amour et de malheur, ce n'est pas un concert à dilater le cœur. Leurs déclamations sont comme des épées. Elles tracent dans l'air un cercle éblouissant, mais il y pend toujours quelques gouttes de sang. Fin du poème, enregistré par Max Pastot. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le parfum impérissable de Le Contellier, enregistré pour LibriVox.org. Quand la fleur du soleil, la rose de l'aurore, de son âme m'odorant a rempli goutte à goutte, la fiole d'argile ou de cristal ou d'or, Sur le sable qui brûle, on peut les prendre toutes. Les fleuves et la mer, inondérés en vain, ce sanctuaire étroit qui l'a tant enfermé. Il garde en se brisant son arôme divin, et sa poussière heureuse en reste parfumée. Puisque par la blessure ouverte de mon cœur, tu t'écoules de même, ô céleste liqueur, inexprimable amour, qui m'enflammait pour elle. Qu'il lui soit pardonné, que mon mal soit béni. Par-delà l'heure humaine et le temps infini, mon cœur est embaumé d'une odeur immortelle. Fin du poème, enregistré par Kalinda. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Plaisir d'amour, de Jean-Pierre Clarisse de Florian, musique de Johann Martini, enregistré pour LibriVox.org. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment. Chagrin d'amour dure toute la Fin du poème. Enregistré par Ezois, en Belgique, en août 2011. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Rêve d'une femme. De Marceline Desbordes-Valmore. Enregistré pour LibriVox.org. Veux-tu recommencer la vie, femme dont le front va pâlir? Veux-tu l'enfance encore suivie d'anges enfants pour l'embellir? Veux-tu les baisers de ta mère échauffant tes jours au berceau? Quoi? Mon doux Éden éphémère? Oh oui, mon Dieu, c'était si beau! Sous la paternelle puissance, veux-tu reprendre un calme essor? Et dans des parfums d'innocence laisser épanouir ton sort? Veux-tu remonter le bel âge, l'aile au vent comme un jeune oiseau? Pourvu qu'il dure davantage, oh oui, mon Dieu, c'était si beau! Veux-tu rapprendre l'ignorance dans un livre à peine entr'ouvert? Veux-tu ta plus vierge espérance, oublieuse aussi de l'hiver, tes frais chemins et tes colombes, les veux-tu jeunes comme toi? Si mes chemins n'ont plus de tombe, oh oui, mon Dieu, rendez-les-moi! Reprends donc de ta destinée, l'encens, la musique, les fleurs, et reviens d'année en année au temps qui change tout en pleurs. Va retrouver l'amour, le même, lampe orageuse, allume-toi. Retournez au monde où l'on aime, ô mon sauveur, éteignez-moi. Fin du poème, enregistré par Nathalie Mussard. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Spleen de Charles Baudelaire, enregistré pour LibriVox.org. Pluviose, irritée contre la ville entière, de son urne à grand flot vers une foi ténébreux, aux pâles habitants du Fasen cimetière, et la mortalité sur les faubourgs brumeux. Mon chat sur le carreau cherchant une litière, agite sans repos son corps maigre et galeux, l'âme d'une vieille poète erne à la gouttière avec la triste voix d'un fantôme frileux. Le bourdon se lamente, et la bouche enfumée accompagne en faussette la pendule enrhumée. Cependant, quand un jeu est plein de sales parfums, héritage fatal d'une vieille hydropique, le beau valet de cœur et la dame de pique causent sinistrement de leurs amours défunts. Fin du poème, enregistré par Casper Nyssen. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le thé de Théodore de Bonville, enregistré pour LibriVox.org par Patrick Wallace à Londres. Miss Ellen, versez-moi le thé dans la belle tasse chinoise, où des poissons d'or cherchent noise aux monstres roses épouvantés. J'aime la folle cruauté des chimères qu'on apprivoise. Miss Ellen, versez-moi le thé dans la belle tasse chinoise. Là, sous un ciel rouge irrité, une dame fière et sournoise montre en ses longs yeux de turquoise l'extase et la naïveté. Miss Ellen, versez-moi le thé. Fin du poème, enregistré par Patrick Wallace. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Ton âme, de René Vivien, enregistré pour LibriVox.org. Pour une amie solitaire et triste. Ton âme, c'est la chose exquise et parfumée qui s'ouvre avec lenteur, en silence, en tremblant, et qui, pleine d'amour, s'étonne d'être aimée. Ton âme, c'est le lys divin et blanc. Comme un souffle des bois rempli de violettes, ton souffle rafraîchit le front du désespoir, et l'on apprend de toi les bravoures muettes. Ton âme est le poème, et le chant, et le soir. Ton âme est la fraîcheur, ton âme est la rosée. Ton âme est ce regard bienveillant du matin qui ranime d'un mot l'espérance brisée. Ton âme est la pitié finale du destin. Fin du poème, enregistré par Violette. Cet enregistrement fait partie du domaine public.